Voilà. Donc, Christian. On va avoir deux exposés successifs sur des thèmes assez différents, mais qui, l'un comme l'autre, reposent sur un travail collectif, qui est le travail collectif du groupe qui désormais existe de façon relativement stable, puisque nous avons formé une association, de façon à pouvoir déclarer notre fichier à la CNIL, sous d'autres auspices que celle de l'École des hautes études, ce qui était éminemment dangereux, comme vous l'imaginez. Donc, c'est un travail collectif d'abord pour nourrir les données et ensuite pour travailler dessus. Et hommage est rendu ici à ceux qui, spécifiquement pour ce thème d'aujourd'hui, enfin ce thème de mon exposé, ont particulièrement contribué. Donc, le sujet, qui gouverne les presses, pôle de recherche et d'enseignement supérieur, et plus particulièrement, l'exposé portera sur les presses de l'Île-de-France. Il y a un travail en cours que Joël a particulièrement avancé sur l'ensemble des présidents de presse à l'échelle nationale. Ce n'était pas tout à fait mûr pour ce soir. On vous promet que ça sera pour une autre fois. Donc, qui gouverne ces institutions? D'abord, très rapidement, une sorte de rappel sur quelles sont les presses actuellement existantes en Île-de-France. Vous en avez ici la liste. Est-ce que vous pouvez un petit peu lire? Oui, ça va. Donc, ils sont ici classés par ordre d'approbation de leur statut par le ministère, puisqu'il y a un décret qui doit approuver chacun de ces statuts. L'histoire commence avec le Presse Université Paris-Est, qui comprend toutes sortes de choses autour de Paris 12, Créteil, et puis de l'université de Paris-Val-de-Marne, et puis tout cet ensemble de Marne-la-Vallée qui tourne beaucoup autour de l'école des ponts, de l'école d'architecture, etc. Ensuite, Paris Tech est un presse plus discret dont peut-être vous n'avez jamais entendu parler. C'est un regroupement de 12 grandes écoles franciliennes, non des moindres, l'IX, les ponts à nouveau, qui appartiennent à deux presses de ce fait, les mines, agro, arts et métiers, etc. etc. Université de Paris, c'est encore autre chose, bon, je ne vais pas toutes les faire, ou me les faire. Sorbonne Paris-Cité, ça intéresse assez directement à notre propos d'aujourd'hui, puisque c'est le presse qu'on appelle aussi 357, qui a pour leader des gens que nous allons rencontrer assez souvent dans mon exposé. Et puis, Sorbonne Université, ça tourne autour de Paris 6 et de Paris 4. Paris Sciences et Lettres est un presse sans université, avec eh bien, l'ENS et jusqu'à assez récemment le Collège de France, mais on dirait qu'il y a de l'eau dans le gaz. Le presse ESAM, eh bien, nous y sommes logés, nous travaillons actuellement, nous avons notre réunion à l'ESAM, avec quelques autres entités, notamment une très grosse qui est Paris 1, et puis d'autres, non des moindres, dont nous parlerons peut-être tout à l'heure. L'université du Grand Ouest parisien est un ensemble d'universités, notamment Versailles-Saint-Quentin, etc. Le campus Condorcet est un presse un peu différent, puisqu'il organise les entités qui seront logées dans ce campus à Aubervilliers. Collegium Île-de-France, Université Paris-Lumière, celui-ci a fait assez peu parler de lui. C'est essentiellement des écoles d'ingénieurs autour de Sergi Pontoise, je crois. Et puis Paris-Lumière, et eh bien ma foi, se fera-t-il pas, c'est Paris 8, Paris 10. Voilà donc très rapidement ce rappel sur le paysage. Et maintenant, plongeons dans les acteurs qui vont nous occuper. Voilà, donc le travail est assez simple, il consiste à aller voir, assez simple, pas si simple que ça, n'est-ce pas Michel, à aller voir sur les sites de ces institutions comment sont composées leurs instances. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, peut-être ça viendra dans la discussion. Toutes les institutions ne sont pas visibles et tous les aspects de ces institutions ne sont pas visibles non plus. Donc c'est tout à fait intéressant. On pourrait raconter le journal de la recherche, le journal de la saisie en quelque sorte, sur le mode de qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on ne voit pas. En tout cas, on est parvenu à voir un certain nombre de petites choses, c'est-à-dire en tout cas la composition des conseils d'administration des 7 presses qui sont ici. Certains autres, c'est beaucoup plus difficile. Ça aurait pris tellement de temps que bon, on a laissé tomber provisoirement. Et puis ensuite, un classement assez arbitraire, mais qui est quand même basé sur les statuts officiels régis par décret. Oh oui, j'ai oublié de dire que la plupart de ces presses sont des établissements publics. De coopération scientifique. Deux seulement sont des fondations. Il s'agit de PSL, ENS et compagnie, et d'autre part de Sorbonne Université. Oh, à propos, oui, des noms des presses, qui est absolument cocasse, et ce qui rend évidemment l'université française éminemment lisible vue de Shanghai, il y a 3 presses parisiennes qui ont le mot Sorbonne dans leur titre. Et pas dans leur titre officiel. Quand on regarde le nom exact entériné par le ministère dans les décrets, il n'y a pas Sorbonne. Parce que voilà, le ministère ne pouvait pas donner ce titre à tout le monde. Donc il l'a donné à personne. Il n'empêche que les gens s'appellent comme ça. C'est assez drôle tout ça, je trouve. En tout cas, je suis parti quand même en gros de la description des différentes catégories réglementaires des personnes dans les conseils d'administration. Voilà en gros, prenons tout simplement le total, ce qui est un peu bizarre de faire un total à ce niveau-là, mais ce n'est pas complètement absurde cependant. On a en tout 192 personnes dans les conseils d'administration de ces entités, dont 73 sont les représentants des membres fondateurs du PRES, c'est-à-dire en substance le président de l'entité ou son directeur, ça dépend, ou son administrateur général, ça dépend de quoi il s'agit, ou son représentant. Donc 73 personnes, ce sont les entités regroupées dans les PRES. Les PRES comportent aussi des membres associés. Bon, c'est un peu compliqué parce que c'est un processus qui est en permanence en train de changer. Donc un membre associé peut devenir un membre permanent, et puis un membre permanent peut aussi s'en aller. On a vu ça récemment. Donc en tout cas, 73 et plus 13 représentent les entités fondatrices ou RADI. De l'autre côté du... Ah oui, il y a aussi de temps en temps le CNRS ou l'INSERM ou l'IRD qui sont en tant que tels membres fondateurs du PRES. Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. De l'autre côté de la distribution, on a des représentants, entre guillemets, de différentes catégories. Des enseignants-chercheurs, chercheurs et enseignants, c'est le terme officiel. Des autres personnels, biatos, etc., et puis des étudiants, c'est-à-dire des étudiants de doctorat. Là où il n'y a pas de représentants, ce sont dans les deux fondations qui ne sont pas tenues par la loi de comprendre ces gens. Je ne dirai rien de la façon dont sont désignés, plutôt qu'élus d'ailleurs, les représentants en question, ni du statut qu'il aurait fait dans les discussions. Des collègues ont d'ailleurs témoigné de ce point tout récemment dans une réunion politique des sciences. Je vais me centrer en revanche sur toutes ces personnalités extérieures, ou ces personnalités qualifiées, ou ces personnalités compétentes, le terme varie selon les statuts, que j'ai classé, vous verrez que ce classement ne tient pas la rampe, et c'est très intéressant de voir comment, en des personnes qui ont plutôt fait leur carrière dans des administrations publiques, des personnes qui représentent, là c'est assez clair, des collectivités territoriales, là leur statut n'est pas ambigu, des personnes qui représentent le monde de l'entreprise, il y en a deux qui représentent en gros le monde de la culture, j'ai pas su, il y a un journaliste à Antenne 2 et il y a le directeur des sciences humaines chez Gallimard, je n'ai pas su où les mettre, donc je les ai mis là, et puis enfin des scientifiques. Et nous allons regarder de près ces classifications. Alors, pour prendre les choses sur un mode brutalement statistique, on constate que les presses sont gouvernées à 48% et plus 7%, c'est-à-dire une très large majorité, par les institutions fondatrices. Ce qui ne veut pas dire que toutes ont le même droit à la parole, ni que dans les statuts futurs des communes ou des communes E, il en sera de même. Hein. On est bien d'accord, là je parle d'une réalité historique très fugitive qui va bientôt disparaître sous sa forme actuelle. Donc on est là en pourcentage, si vous le voulez bien, en pourcentage de nos, je me souviens plus, 172 personnes. une bonne moitié du côté des représentants, pardon, ici, donc 48%, pardonnez-moi, je vous dis des bêtises, 48% représentent les entités constitutives des presses, 22% représentent, si l'on peut dire, les représentants des différentes catégories de, qui travaillent dans ces contextes, et puis on a, c'est assez bizarre, une sorte d'équilibre, je vous assure que je n'ai pas fait exprès, entre les différentes catégories de personnalités extérieures. En gros, 7% pour chacune d'entre elles. Et c'est sur ces... J'ai laissé de côté les presses en tant qu'ils sont gérés, dirigés par les entités constitutives. Ça, c'est assez le travail sur les présidents, etc., que nous allons poursuivre. J'ai laissé le travail sur les représentants, qui mériterait aussi attention. Et maintenant, je vais me concentrer exclusivement sur ces personnes ici, qui sont les personnalités extérieures. On ne sait pas, bien sûr, quel est leur poids dans la discussion commune, dans les décisions, mais peu à peu, vous allez voir, quand leur portrait sociologique va s'éclairer, je pense qu'on aura quelques indices, y compris là-dessus. De quel degré d'autorité sont-ils revêtus, au fond, hein? Voilà. Voilà. Alors ça, c'est juste pour vous montrer la forme du réseau. Donc, on est tous d'accord qu'on ne doit pas être fasciné par les graphes, je ne le suis pas, vous ne l'êtes pas non plus, je vais vous dire comment celui-ci a été construit. Chaque point blanc représente une personne, une de ces personnes qui, comment dirais-je, font partie de ces personnalités compétentes au sein des conseils d'administration. Sur l'ensemble de ceux qui font partie des conseils d'administration, il n'y en a que 101 qui sont reliés à d'autres institutions par leur passé. Parce que voilà l'objet du graphe. Le graphe consiste à observer qui, parmi ces personnalités extérieures des conseils d'administration, ont été reliés dans le passé à des institutions de l'enseignement supérieur et de la recherche, tels que nous les documentons dans la base de données de qui gouverne la science. Est-ce que je me fais comprendre? Ceci n'est pas une photographie du présent, ceci est une sorte de prosopographie, de voyage dans le passé de tous ces gens. Où étaient-ils au cours de la période d'observation de notre base de données, qui est 2004-2012 en l'occurrence? À partir de 2013 et 2014, c'est le présent, on n'en tient pas compte. D'accord? Donc ça, c'est d'où viennent-ils? Où ont-ils été recrutés? Qu'est-ce qu'on peut savoir grâce à ce graphe de leur position dans le système? Tous ne sont pas dans le système, d'abord. Alors, comment le graphe est construit? Donc, les points blancs représentent les personnes, les points rouges représentent des institutions. Au centre, une institution qui est tout simplement les conseils d'administration des presses. D'accord? Aujourd'hui, donc on met du présent dans le passé, là, hein, il y a une sorte de basculement vers un monde de révolu, en quelque sorte, et les points rouges sont des institutions d'appartenance dans le passé de ces gens. La taille des points, qu'ils soient blancs ou qu'ils soient rouges, la taille des points blancs varie avec l'indice d'intermédiarité des personnes, c'est-à-dire, en substance, plus une personne connecte un nombre important d'institutions, plus le point est gros. Donc ce sont des gens qui jouent un rôle, plus le point est gros, ça signifie que ce sont des gens qui jouent un rôle pour faire tenir des institutions distantes les unes des autres et en faire un système unique. Ce sont des gens importants. Tout naturellement, vu l'algorithme de construction du graphe, ce type de point avec forte intermédiarité se développe dans la périphérie du graphe, c'est normal. Les points rouges, en revanche, leur taille dépend du nombre de membres des CA qui se trouvent y avoir appartenu dans le passé. Hein, c'est simplement des effectifs. Donc voilà, simplement pour que nous soyons d'accord sur la façon de lire l'outil. Alors maintenant, on va essayer de le regarder un peu plus près. Première observation, disons, globale. Il y a deux institutions qui jouent un rôle massif, disons, dans les appartenances passées de ces gens. La première, c'est la conférence des présidents d'université. Là aussi. Et la seconde, c'est un monde beaucoup moins institué, mais très très nombreux, qui sont les experts qui, à beau jour, ont participé à un comité de visite de l'AERS. Alors, commençons par la CPU. La CPU en question, 55 personnes de notre petit monde-là y ont appartenu. 55%, là, il y a 100 personnes à peu près, 55% des présents, en quelque sorte. Ce qui correspond d'ailleurs, en gros, à nos 48% de chefs d'établissement qui sont dans les CA aujourd'hui. Donc, une moitié, on va dire, de ces gens ont été, peut-être sont encore, mais en tout cas ont été présidents d'université, directeurs d'établissement. Mais il y en a un petit nombre seulement qui fait partie, et ils sont liés à ce point, de la direction de la CPU. Et ceux-là sont beaucoup moins nombreux. Ils sont au nombre de 7. Et je vais les détailler dans un instant. Faisons un sort aux experts de la ERS. À vrai dire, c'est assez naturel qu'il y ait pas mal de monde qui soit passé par là, puisque dans notre fichier, nous avons 12 500 experts de la ERS. Par conséquent, il faut quand même, évidemment, que ce petit monde vienne de quelque part. Mais disons, ce qui est intéressant, je crois, c'est que ce pôle sont assez peu connectés. Je ne rentre pas dans les détails. C'est-à-dire qu'en gros, quand on s'occupe de choses sérieuses, qu'on préside une université, on ne va quand même pas aller trop souvent visiter les labos. C'est deux métiers différents, pourrait-on dire. Donc, l'ARS recrute très, très largement et recrute notamment des gens qui se trouvent aujourd'hui être dans les CA des presses. Mais maintenant, centrons-nous sur cette institution essentielle qu'est la CPU, puisque à la direction de la CPU, nous avons ici un ensemble de personnages que je vais vous citer maintenant, parce que moi je peux les lire, pas vous. Eh bien, nous avons, ma foi, Jean-Yves Mérindol, où est-il ? Vous voyez mieux que moi. Je ne raconte pas son histoire, je rentrerai dans des détails un petit peu tout à l'heure. En tout cas, il a présidé l'Université de Strasbourg, il a été directeur de l'ENS de Cachan, et il est aujourd'hui à Sorbonne, Paris-Cité. Voilà. Jean-Loup Salzman. Il est en dessous. Vous voyez mieux que vous. Il est ici. Président de Paris 13, lui aussi de la Sorbonne Paris Cité, il est aussi à Condorcet. Axel Kahn, qui est là, et qui est donc lié à ce point, c'est ce rapport qui m'intéresse maintenant, ancien président de Paris 5, et lui aussi à Sorbonne. On va dire SPC. Nous avons aussi Simone Bonafous qui est ici, qui est donc toujours liée à CPUDIR, qui est l'ex-présidente de Paris 12 et qui est aujourd'hui, semble-t-il, à Paris Est, mais on a peut-être des petits problèmes de chronologie, parce qu'on ne peut pas être à la fois directrice de l'enseignement supérieur et dans un CA de presse, donc on a un petit problème de base de données. Mais elle l'a été, en tout cas, dans le CA de, à un moment de Paris-Est. Louis Vogel. Oui, il est juste en dessous. Il est là. Ouais. Louis Vogel, président de Paris de Panthéon-Assas, président de la CPU en 2010-2012, président de Sorbonne Université avant d'en sortir. Enfin, je crois que j'ai terminé. Non, Pascal Level. Président de l'Université de Valenciennes, délégué permanent de la CPU à Bruxelles et qui est dans le presse Universum. Et enfin, Daniel Tartakovsky, qui n'en avait peut-être pas demandé tant, mais qui est ici et qui est, comme vous le savez, la présidente de Paris 8. Donc tous sont ces sept personnes sont dotées d'un degré élevé d'intermédiarité. Bien sûr, nous pouvons insister sur la place particulière dans le réseau d'Axel Kahn, parce qu'il est à la fois un ex-dirigeant de la CPU, et puis il est lié à la stratégie nationale de recherche et d'innovation, qui était l'institution sarkozyste, disons, de redéfinition des objectifs du dispositif de recherche. C'est d'ailleurs une réunion de cette entité que le fameux discours qui a fait tant de vagues dans la base de Francis a été proféré. Et enfin, AccessCan, dans notre base de données, est aussi au Conseil scientifique de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. C'est un personnage donc assez crucial dans le passé, en tout cas, de l'ESR. Un commentaire marginal, il n'est pas exclu que nous saisissions un petit peu par là, en gros, la partie émergée du groupe Marc Bloch, dont le journal Le Monde a fait tant de cas récemment. Ensuite, laissons de côté les experts de l'ARS. Centrons-nous maintenant sur le Sud. Un graphe de ce genre est intéressant par sa structure d'ensemble et surtout intéressant par ses détails. Regardons de plus près la partie sud du graphe, et qui nous permet d'explorer, et peut-être j'en dirai pas beaucoup plus de l'ensemble du graphe, le rôle du ministère lui-même et de ses directions. Nous avons ici la DGES, la direction de l'enseignement supérieur, nous avons ici la DGRI, la direction de la recherche et de l'innovation. Et puis nous avons donc des individus qui lient ces entités avec les CA des presses aujourd'hui. Qui trouvons-nous ? Quel rôle joue la DGES ? Eh bien, nous trouvons Bernard Saint-Giron. Bernard Saint-Giron, je vais les faire tous. Il est aussi lié à la CPU, puisqu'il a été président de Toulouse, je ne sais pas combien, de la Fac de droit de Toulouse, dans le passé. Il a été vice-président de la CPU aussi. Il a eu ensuite 3 postes de recteur, et puis il est devenu directeur général de l'enseignement supérieur en 2007-2008. Et aujourd'hui, il préside le PRES Paris-Est. Donc nous avons, grâce à lui, un lien très très fort entre la DGES et les PRES aujourd'hui. Jean-Jacques Maillard, il est ici. Ingénieur SUPMECA, Institut supérieur de mécanique de Paris, et directeur général de SUPMECA, que fait-il, bon Dieu, à la DGES ? Il était en 2011, chargé de mission en relations entreprises-universités. Et enfin, et ça c'est un personnage d'une nature très différente, mais qui je pense est très intéressante aussi, nous avons ici Sandrine Javelot, dont je pense que vous n'avez pas entendu parler jusqu'ici. Eh bien, bon, c'est une jeune femme qui a été formée à l'IEP, ce qu'on appelait jadis l'IEP, quand la marque n'était pas encore déposée, au CNAM. Elle a un CAPES en ingénierie de la formation. J'ignorais qu'il existât un CAPES en ingénierie de la formation, qu'elle a décroché en 2003. Et elle a été chargée de mission éducation au cabinet du Premier ministre en 2007-2008. Et puis enfin, directrice du cabinet du directeur général de l'enseignement supérieur en 2008-2012. Elle est aujourd'hui membre extérieur dans le PRES Collegium Île-de-France. Donc voilà un autre type de personnage. Là, nous avions plutôt des grandes pointures, des missions importantes. Là, nous avons une jeune femme qui l'est moins, mais qui néanmoins forme un type de connexion entre le monde des ministères, c'est-à-dire en fait des chargés de mission de ministère, et les instances de pouvoir des presses. Alors, la DGRI, maintenant, quel est son rôle dans cette affaire ? Eh bien, nous avons Romain Souverain, directeur de l'École des Mines, adjoint au directeur général de la DGRI en 2007. Armel de la Bourdonnais, directeur de l'École des Ponts, qui à la DGRI était, j'ai pas noté la date, chef du département des organismes transversaux et des grandes infrastructures de recherche. J'ai eu du mal à traduire cet énoncé, mais c'est certainement un job important. Et enfin, Claire Giry, qui ressemble comme une sœur à notre Sandrine Javelot, puisque elle est aujourd'hui directrice du département des partenariats à l'INSERM, et à ce titre, et dans l'un des CA de presse, elle s'occupait, elle était juste chef de service à la DGRI, service de la coordination stratégique et des territoires en 2011. Donc là, nous avons, de façon, je crois, assez intéressante, des formes de connexion entre les pouvoirs dans les presses et puis, tout simplement, le cœur bureaucratique du ministère. Bon, le temps passe, bien sûr, un peu vite, et donc je ne peux pas rentrer dans tous les détails, alors qu'un tel graphe est intéressant par les questions qu'il pose et parce qu'il nous invite à faire en termes de description fine et micro. Mais bien sûr, le rôle d'Antoine Compagnon est tout à fait fondamental, puisque bon, il a été dans la direction de l'ARS, il siège encore dans la distribution du prix Claude Lévi-Strauss, celui qui est distribué aux meilleurs d'entre nous en sciences sociales et humaines dans ce pays. Avec un chèque de 100 000 euros, ce qui est quand même pas mal, etc. Il y en a d'autres, et peut-être regardons la partie nord du graphe. Nous avons surtout ici des entités d'une nature un petit peu différente, qui sont des entités qui évaluent, comme par exemple l'instance qui distribue la prime d'excellence scientifique au ministère, le jury de l'IUF ou des choses de ce genre. Nous avons même un personnage qui était dans la défunte conseil scientifique de la maison d'histoire de France. Mais le point que je voulais souligner, c'était pour en finir avec, en quelque sorte, le ministère. Dans le cabinet du ministère, il n'y a pas grand monde qui se retrouve aujourd'hui, tel que nous le décrivons, dans les CA des presses qui nous sont contemporains, sauf évidemment Olivier Faron, qui a fait l'ENS Saint-Cloud dans sa jeunesse, qui a été prof d'histoire à Paris 4, conseiller SHS de Claude Aigneret, que nous allons revoir et revoir parce qu'elle est essentielle dans toute cette histoire, dans le réseau ministère de la Recherche Chourin Farin par conséquent. Il a été directeur de l'ENS de Lyon, il a été dans le cabinet Vauquier, puis il a été nommé administrateur général du CNAM, et il représente le CNAM dans les AM, le presse qui nous abrite. Bon, je ne veux pas trop faire cet exposé au pas de charge. Est-ce que sur ce type de description, ou peut-être vous avez des questions à poser, des idées est-ce que vous avez envie de parler de ce genre de présentation et de ce qu'elle nous apprend ? Je t'en prie. Les conseillers scientifiques au ministère sont rentrés là-dedans. Oui, ils sont là-dedans. Et on va voir le rôle des cabinets dans la constitution de la population des CA des presses, c'est spectaculaire, en général. Bon, je vous en prie. Il y a des institutions qui n'ont pas la même durée d'existence. Tout à fait. Est-ce que ça a été pris en compte dans la taille du point que représente l'institution sur le graphe, comme la vieille. La taille du point, c'est très simple, c'est le nombre de personnes qui nous intéressent, les membres des CA aujourd'hui, des presses d'aujourd'hui, qui appartiennent à l'institution. Donc il n'y a aucune pondération par l'importance de l'institution ou par sa durée dans le temps. Voilà. À vrai dire, ce type de représentation peut avoir des tas d'usages. L'usage principal, vous avez remarqué que j'en fais, est de... en fait, je trouve que c'est intéressant pour diriger le regard vers des paquets de gens qui ont des traits communs de position dans le graphe et qui demandent ensuite à être décrits finement. Enfin, est-ce que vous avez pour compte des liens qui sont peut-être officiels, qu'on connaît tous, par exemple Bonafou d'Isambourg, qui est un lien qui est, je pense, même très officiel à la mairie, mais qui n'est pas officiel dans leur relation. Disons, étant quand même président d'un presse, c'est Bonafou qui caractérise la DGC. Aucune information de caractère personnel. Non, mais ça, c'est une information importante quand même. Ça lie quand même une partie de la direction des presses à la DGC. Alors, nous avons les compagnonnages, les mariages, nous avons aussi toutes sortes d'autres choses qu'on va rencontrer peu à peu, les solidarités éventuelles de corps de fonctionnaires, les écoles qu'on a fait quand on était petit. Peu à peu, les choses peuvent s'enrichir de cette façon, mais ça ne sera pas représenté nécessairement sous la forme d'un graphe. C'est un graphe bidimensionnel. D'autres observations ? Alors voilà, ça c'est une donnée qui n'est pas très simple. On l'a en ce qui concerne les élus au CNU, pardon. Mais ce n'est pas encore rentré dans la base. On a les listes qui ont présenté les candidats. Et puis pour le comité national, j'attends encore de nos collègues du SNCF qui veulent bien fournir la même donnée pour les élus. Donc ça on aura une description complète de cette affaire dans peu de temps. Voilà. Il n'est pas certain que ça ait un impact considérable sur la population que nous sommes en train de décrire, mais who knows. Il y en a un, en tout cas, qui, dans son CV, se vante, j'y verrai tout à l'heure, d'une certaine appartenance syndicale. Mais disons, c'est une question importante. C'est aussi sur les aspects politiques croisés avec Rochelle, par la commission recherche de la partie socialiste, par exemple. Là, j'en reconnais un certain nombre. Alors, ça, c'est un document qui nous échappe. Et on s'est aperçu peu à peu, on est parti des institutions, au fond, hein, de la démarche, puis peu à peu, on s'est rendu compte qu'il fallait en sortir et travailler sur des choses plus privées, moins administratives. Et on est, bon, par exemple, on est encore à la recherche, il y avait des sortes d'états généraux de la recherche UMP, où il y avait des gens très très importants qu'on retrouve partout. Il faut trouver les mêmes choses pour le Parti Socialiste. À un moment, il y avait une liste des enseignants pour François Hollande en 2012, mais manque de chance, hop. On a des outils pour remonter dans le temps sur le web qui sont absolument d'une efficacité formidable. On a perdu ça. Donc, aidez-nous, comme dit l'autre. Si vous pouvez reconstituer des listes, ce serait extrêmement intéressant. Peut-être une question complètement. Est-ce qu'il y a des points non couvrés à aucune institution que vous auriez pris en compte? Je pense à quelqu'un en particulier qui est le président du Presse SU, Thierry Thuot. Est-ce qu'il est dans votre groupe? Alors, ça, je ne peux pas vous dire par cœur si on l'a. Il est ou pas. Oula. Il est dans le paquet, là. De toute façon, parce qu'à mon avis, il est membre de la CPU, puisqu'il est président. C'est un conseil d'État. Donc, mais on l'a dans la base, par contre, je suis sûr, je l'ai vu. Et alors, je voudrais prendre la parole en tant que section de. Responsable de la section sud de QGS, pour défendre nos petits personnels, et dire que, en fait, les sections. Les syndicats ont été rentrés par Sylvie dans le fichier du CNU. Voilà. C'est histoire de reconnaître. C'est ça. Mais malheureusement, le CNU n'est pas encore réellement intégré. Ouais, ouais. Enfin, voilà. Alors, poursuivons, enfin, quittons le monde enchanté des graphes, mais qui cependant nous met, je crois, devant un certain nombre de réalités invisibles à l'œil nu. Qui est quand même un grand avantage de ce type de représentation. Et voyons de plus près la liste des ce qu'on appelle les personnalités extérieures dans les conseils d'administration. J'ai fait donc des catégories qui ne valent, comme d'habitude, en ce qui concerne les catégories en sens social, rien. Et nous allons à la fois les utiliser dans un premier temps et puis les défaire ensuite. Donc, personnalités scientifiques, notion un peu arbitraire. En tout cas, ce sont des personnes qui font leur carrière dans des institutions scientifiques plutôt que dans une entreprise privée ou au Conseil d'État. C'est la définition minimale de la chose. Alors, si on regarde un petit peu, c'est classé comment ? En fait, c'est classé par presse. Et puis voilà, puis c'est tout. Et puis ensuite, on essaye de regarder. Alors la méthode, elle est très simple. Les gens, je pense que chacun d'entre vous en fait autant, les gens publient leur vie sur le web de mille façons. Et c'est eux qui la publient, c'est eux qui la décrivent, c'est pas d'autres qui la décrivent pour eux. Et on se croit autorisé d'utiliser ces récits comme des informations sur eux. Donc très très rapidement sur ce type de personnage, il y a des cas. Il y a trois cas ici qui sont là manifestement pour satisfaire à la revendication d'internationalisation des directions de presse. Et Anne Jefferson, par exemple, je prends cet exemple, c'est une professeure de littérature française au New College, Oxford, et qui est une spécialiste de la biographie, de l'autobiographie dans la littérature française au 19e et 20e siècle. Elle a écrit un livre sur Nathalie Sarraute. Bon, c'est une scientifique, on va dire. Voilà, il y en a quand même dans la liste. Nous avons, alors je serai beaucoup moins disert sur Jörg Walraven ou bien sur qui d'autre encore ? Detlef Ganten, puisque l'un est un physicien et l'autre un matheux. Et je ne sais pas quels sont leurs rapports à la science, mais manifestement, ils sont importants. Voilà des scientifiques qu'on est allé chercher au loin. D'autres sont dans les conseils d'administration en tant que personnalités qualifiées dans un but évident, c'est de leur permettre d'être président de l'institution. Puisque quand on représente une institution composante dans le conseil d'administration, on ne peut pas décemment être aussi président du presse, d'accord ? Donc il faut, si on a des responsabilités de toutes sortes dans des institutions composantes, qu'on veut être le patron, eh bien il faut être une personnalité compétente, enfin qualifiée, n'est-ce pas ? Voilà. Alors ça c'est le cas de Jean-Claude Vaquet, qui a été président de l'EPHE et qui est président du Presse Condorcet et du Presse Sésame aujourd'hui. Hein, Jean-Claude Vaquet est là pour être président. Il est dans les personnalités pour être président. Qui d'autre encore? Eh bien, tout simplement, Mérindol, ici, hein, qui est amateur et qui est président de SPC. D'autres encore appartiennent à des institutions qui sont composantes du PRES. Par exemple, Serge Arroche, administrateur au Collège de France, qui est un membre de PSL. Bon, là, on a d'ailleurs un authentique scientifique. Pardonnez-moi de porter des jugements de valeur, mais disons, c'est le poids des publications, disons, qui me sert de guide. Un authentique scientifique qui est dans ces machines. Oui, à propos des jugements de valeur, bon, on voit bien qu'un certain nombre de ces personnages ont travaillé et puis à un certain moment ont fait profession d'être manager, de diriger des institutions scientifiques ou d'enseignement supérieur. C'est assez clair. Jean-Yves Mérindol est un assez bon exemple. Il dit dans son CV avec une authenticité qui me touche beaucoup, article de géométrie algébrique entre parenthèses de 1982 à 1995. Voilà son œuvre. Voilà. 13 années de publication sur une carrière tout entière, c'est déjà pas mal, vous direz. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Joël, j'ai jusqu'à quelle heure? J'avais pas noté qu'on question, mais t'as plus beaucoup de temps. Bon, enfin disons, allons à l'essentiel. Je pensais vous faire des présentations de cas, mais c'est pas raisonnable. Notamment cette dame qui a été non seulement une cosmonaute, puisque c'était en Union soviétique qu'elle a volé dans son premier voyage spatial dans la station Mir. Non, c'était en Russie d'ailleurs. Excusez-moi, je me trompe de date. Mais enfin, elle s'appelait cosmonaute à cette époque. Et puis elle a été ministre de la Recherche. Et puis aujourd'hui, elle est dans deux CR de presse. Jean-Claude Vaquet, Jean-Yves Mérindol, Bernard Bigot, c'est absolument splendide. C'est un scientifique qui est un administrateur d'institution, un agrégé de physique, docteur de physique et chimie. Et puis il a passé son temps à diriger toutes sortes d'institutions, l'ENS de Lyon et toutes sortes de choses. Voilà, donc je passe sur cette affaire, mais il y a une dominante très nette. Nos scientifiques sont des gestionnaires d'institutions scientifiques. Deuxième catégorie, des administrateurs publics. C'est un peu mystérieux d'essayer de comprendre comment ça se fait que des fonctionnaires du corps des ponts ou du corps des eaux et forêts, n'est-ce pas, se retrouvent dans les presses dans les CA de nos presses. Alors, voilà donc une liste et quelques indications très très rapides. L'étude est vraiment à continuer. Donc, parfois, les hauts fonctionnaires assurent la présence au sein du CA d'une institution membre, associée ou proche des missions que se donne le PRES, disons. Donc, on a les archives nationales, les archives du ministère des étrangères pour le campus Condorcet, qui sont présentes par l'intermédiaire de personnes. Jean-Pierre Duport, un personnage tout à fait étonnant, enfin, qui est l'ancien préfet du 9-3, qui a toute une expérience, disons, sur les localités où est implanté Condorcet. Il y a des gens qui représentent quasiment le plan campus, parce qu'ils en sont ingénieurs Expon, Roland Pellet, il est là, qui a été associé dès le départ à la conception du plan campus et en particulier des PPI dans ce cadre, qui s'occupe aussi d'urbanisme. On a le proviseur du lycée Henri IV, le lycée Henri IV est associé à PSL. On a aussi le directeur du musée du Louvre qui est associé à PSL, etc. Ce qui est évidemment à prendre en compte, c'est que ces gens qui sont des hauts fonctionnaires, qui font une carrière de haut fonctionnaire, qui passent par l'enseignement supérieur, mais qui y restent rarement longtemps, ont beaucoup de traits communs avec certains des scientifiques administrateurs que je vous présentais tout à l'heure rapidement. Il y a un autre trait commun qui est spectaculaire, et ça je ne me rendais pas compte, il fallait regarder les choses en détail pour s'en apercevoir, c'est l'importance des passages par les cabinets ministériels pour faire des dirigeants, des membres de CA de presse. Alors, très rapidement, mais quand même, ça mérite un tout petit peu d'attention. Roland Pellet a été au cabinet de Jospin à l'éducation nationale, puis au cabinet de Jospin Premier ministre. Bruno Racine, au cabinet de Chirac Premier ministre, au cabinet de Juppé Affaires étrangères, puis Premier ministre. Cyril Van Effenter, qui est président de Paritech aujourd'hui, au cabinet de Mermaz et de Soissons. Il n'est pas sectaire. Claude Aigneret a été ministre elle-même, c'est pas un cabinet, c'est un ministre de la Recherche puis aux Affaires européennes. Bernard Bigot, directeur du cabinet de la précédente, directeur adjoint du cabinet de Ferry. Benoît Le Saffre, au cabinet de Xavier Bertrand à la Santé et de Philippe Bas à la Santé. Odile Quintin, c'est un peu différent, mais disons, bon, elle a collaboré largement avec Luc Châtel sur les histoires des rythmes scolaires en 2010, elle a eu une importance considérable, mais c'est surtout une très haute fonctionnaire de la Commission européenne, puisqu'elle a dirigé la direction de l'éducation et de la culture pendant plusieurs années, en fin de carrière, elle a passé toute sa carrière dans la communauté européenne. Et Joachim Bitterlich vous verrez, c'est un homme un diplomate devenu administrateur de société, mais qui a quand même été conseiller de Genscher pendant plusieurs années, et puis ensuite conseiller du chancelier Kohl lui-même. Donc on a le monde politique présent de façon très directe, très forte, et bien sûr, il faudrait relier ces trajectoires à l'autorité de nomination dans les CA des presses. On n'est jamais si bien servi que par ses amis. Alors, bon, je passe sur les monographies, mais ça mériterait plus d'intérêt. Représentants des entreprises, là aussi c'est tout à fait intéressant. Ils sont assez nombreux, vous le voyez. J'ai laissé les gens de la culture en bas, on n'en parlera pas. Ils sont assez nombreux, ils sont un peu partout, et ce ne sont pas exactement des représentants de PME. Nous avons ici la liste des groupes majeurs que ces gens représentent dans nos CA. Alors maintenant, bon, bien sûr, il y en a d'ailleurs un qui carrément travaille au sein du MEDEF professionnellement. Le MEDEF le paye pour faire diverses choses que j'ai déjà oubliées. Alors, ce qui doit aussi être pris en compte, c'est que les choses ne sont pas tout à fait aussi simples. C'est-à-dire que ce n'est pas n'importe quel homme d'affaires qui est dépêché dans un CA de presse. Hein, ils ont des caractéristiques particulières. Il faut essayer de trouver lesquelles. C'est assez intéressant. Nombre d'entre eux, il y a plusieurs choses qu'on pourrait dire. Ils ont souvent des carrières mixtes. Ils ont traversé plusieurs mondes. Ce n'est pas le cas de tous, par exemple. J'ai regardé d'assez près, par exemple, la trajectoire d'un personnage comme Henri Lachmann, qui est auprès Sésame, justement. Lui, c'est du business. Hein. Il était ingénieur de formation, et puis il est rentré chez Schneider. Je ne sais pas si on continue à dire comme à l'ancienne aujourd'hui. Assez tôt dans sa carrière, il est aujourd'hui retraité en quelque sorte, il préside des comités de surveillance et il n'est pas directeur opérationnel. C'est vraiment un businessman, un industriel d'ailleurs, il faut le souligner. La plupart d'entre eux, les autres, ont eu des trajectoires plus complexes. Et un des traits qui les caractérise, il aurait fallu en faire une description plus fine, c'est qu'ils ont souvent été anciens élèves de certaines des composantes des presses. Donc ça leur donne de l'autorité. Ça rend pertinent quand ils sont en présence, je pense, et en même temps, ça donne un poids assez particulier à l'entité qui, en quelque sorte, les a engendrés. Or, ces entités qui les a engendrés au sein des presses, c'est qui ? C'est des écoles d'ingénieurs et c'est des écoles de commerce. Donc, nous avons des personnages mixtes qui sont vraiment intéressants parce qu'ils sont assis sur plusieurs chaises, sachant qu'il y en a une quand même qui, essentiellement, leur distribue les dividendes. Et enfin, j'ai pris toujours les présentations de soins. Là, c'est sur le site d'Alstom, parce qu'il se trouve qu'il est aussi administrateur d'Alstom. Colombani, c'est un chercheur qui a réussi. Je m'arrête une seconde sur lui, parce qu'il me plaît bien. Il a fait l'ENS Saint-Cloud, il est agrégé de physique, docteur et sciences en 1974, et puis il commence sa carrière au CNRS. Et il fait, bien avant beaucoup d'autres, et avec un succès mérité sans aucun doute, une carrière splendide chez Schlumberger, où il rentre en 78, c'est-à-dire 4 ans après son doctorat, et il a diverses fonctions de responsabilité, et il devient président de la première filiale de Schlumberger au Japon, ensuite il passe par le ministère de la technologie. Il est directeur de la technologie au ministère de la Recherche en 97-99, il est nommé administrateur général du CEA, et hop, il repart dans le privé ensuite. Donc on a, disons, c'est les carrières de pantouflage qui ont été décrites 1000 fois, mais quand elles nous approchent de si près, évidemment, on les regarde avec un air plus un peu différent et peut-être plus inquiet. Voilà, il y en a toute une série. Ça, c'est, j'aime beaucoup Joachim, parce que bon, il a été diplomate toute sa vie. Il a représenté l'Allemagne fédérale dans plein d'endroits extrêmement passionnants et difficiles. Et puis, finalement, il a eu la bonne idée de devenir président exécutif pour les affaires internationales de Veolia Environnement. Et c'est à ce titre qu'il... Mais il est en même temps un ancien élève de ESCP Europe, qui est une des composantes des âmes. Oui. On se demande pourquoi ESCP Europe, on entend parler d'elle, n'est-ce pas, dans ce presse. Et bien voilà, il y a aussi Joachim. Je termine avec les représentants des collectivités territoriales. Ça, c'est évidemment plus attendu. Ces représentants sont très présents. Les voilà. Ils représentent tantôt, pour le presse Condorcet, c'est un peu particulier parce qu'on a à la fois une représentation de la ville de Paris et de la région Île-de-France, mais aussi de la commune d'Aubervilliers et du conseil général de la Seine-Saint-Denis et de la communauté de communes, pleine commune, qui sont d'ailleurs pour Aubervilliers et pour pleine commune des entités. D'union de partis politiques, n'est-ce pas, néanmoins, il y a quand même une sorte d'homogénéité, n'est-ce pas, dans les représentations politiques au sein de nos presses, voilà, avec évidemment des personnages qui ressortent de façon absolument massive. Notre collègue Isabelle Distingent, qui enseigne l'économie à Paris 13. Paris 13, d'ailleurs, est assez présent de diverses façons dans toute cette affaire. Isabelle a été, comme vous le savez bien, présidente de SLR. Est aujourd'hui vice-présidente de la région Île-de-France pour la recherche et l'enseignement supérieur. Et c'est à ce titre qu'elle représente la région dans énormément de presse et dans beaucoup d'autres entités d'enseignement d'ailleurs. La liste est assez impressionnante. La voici. Ça, c'est tous les conseils d'administration d'institutions de ce genre auxquels elle doit assister, la pauvre. Mais nous n'avons pas qu'elle, nous avons aussi, pour représenter la ville de Paris, Jean-Louis Missika. C'est un personnage formidable. Sa notice sur Wikipédia le présente comme, je cite, un homme de télévision et sociologue français. Évidemment, un syntagme splendide qui pourrait en caractériser d'autres. Voilà, je ne raconte pas sa vie, elle mérite aussi véritablement attention. C'est la télévision, c'est la politique, c'est la sociologie des médias à Sciences Po, c'est le conseiller chef des services d'information de Rocard, le Premier ministre, conseiller média de... Ça y est, j'ai un trou de mémoire, le maire de Paris sortant. De la DOE. De la DOE, etc., etc. Et puis, il continue. Et AXA Sécurité, exactement. Vous en savez un peu, là. Parce que, bien sûr, une partie d'entre eux ont aussi quelques billes dans les affaires. T'es embauché. AXA Private Equity, plus exactement. Voilà, et puis alors, puis le petit dernier, je vais vous en parler aussi, ensuite je m'arrête, c'est lui, Didier Guillot. On ne connaît pas Didier Guillot, mais on devrait, parce que lui, il est élu conseiller de Paris dans le 18e, il est maire du 18e, il a été élu en 2008, et il est adjoint au maire de Paris chargé de la vie étudiante. Et donc il représente à ce titre la ville de Paris dans plusieurs presses. Et sa profession, c'est d'être chargé de communication à l'Université de Paris 13. Beaucoup de connexions se font, n'est-ce pas, de façon inattendue. Il y a les couples et puis il y a toutes sortes d'emplois. À Paris 13, il se passe beaucoup de choses. Et M. Salzman préside sur toutes ces choses. Voilà. Donc je pense que je n'ai pas illustré, je l'espère, de la moindre théorie de complot dans tout ça. Ça se fait, mais c'est comme ça que ça marche. Ma question, c'est pour demander combien il y avait de femmes là-dessus. Le genre, donc il n'y en a pas des masses. C'est ce qui m'a semblé. Prenons la liste. Il y a des ministres. Oui, il y a quelques questions. Non, j'ai pas de liste. Voilà une très bonne question. On va regarder les choses sous ce temps. On va faire un graphe avec du rose et du bleu. Est-ce qu'il n'y a pas un effet générationnel et est-ce qu'il ne faudrait pas tenir compte de l'âge de ces gens-là, ce qui me semblerait aussi important. Et pour rebondir sur une remarque qui a été faite, il y a beaucoup de gens qui viennent du Parti Socialiste, très très officiellement. Et je pense à Isabelle Saint-Jean, PS, mais à d'autres aussi qu'on voit apparaître dans la liste Mérindole, typiquement. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi, à un moment, tenir compte, peut-être de manière non fine, hein, grossière, mais d'un clivage en deux, trois, quatre grandes tendances politiques, pour voir les appels qui sont faits, quoi. C'est une question importante. Il faut être extrêmement précautionneux sur la méthodologie. Enfin, le problème, bien sûr. C'est comme assigner une religion à quelqu'un, c'est pas facile, c'est même absolument exclu. Et assigner une inclinaison politique, il faut le faire sur la base de critères objectifs. Et tout à l'heure, on évoquait les appuis dans des élections ou des choses de ce genre, ou les instances partisanes. Il a raison, pas obligé de mettre pour tout le monde. Mais attends, Isabelle est au PS. Il y a des gens, c'est très clair. Très, très clair. Je vais permettre de faire pour les représentants des collectivités territoriales qui disent. Moi, les élus, par exemple, elle est élue PS. Oui. À propos de Mérindole, d'ailleurs, sans doute, ces inclinaisons politiques sont celles que tu dis, mais il a aussi, dans son CV, c'est lui qui le dit, il explique qu'il a été responsable national de la branche enseignement supérieur du SGEN CFDT de 86 à 89. Nous avons au moins un CFDTiste assumé. Voilà, donc on va travailler sur cette affaire d'appui syndicaux d'un côté, d'appartenance partisane de l'autre. C'est pas simple, mais il faut éclairer tout ça. Et Guillou, qui était à la mairie de Paris, la dernière Guillou. Oui, oui. Il est à la mairie de Paris, il est PS. Oui, oui, tout à fait. Il est le maire PS du 18e arrondissement. Maire PS. Mais dans mon petit graphe, dans mon petit tableau, j'avais quand même mis pour les élus l'appartenance partisane, parce que ça, c'est l'objectif et l'essence non contestable, disons. Mm-hmm.